Chapitre 7e. Marché, muséum, galerie de tableaux, académie des beaux-arts, école de peinture, société phrénologique, lecture de Miss Wright. Le plus grand avantage de Cincinnati est son marché, qui, pour l'excellence des denrées, leur abondance et leur peu de cherté, peut à peine être comparé à aucun autre. Il faut cependant en excepter les fruits, qui sont inférieurs à ceux qu'on voit en Europe. Il n'y a point dans la ville de boucher, de marchand de poissons, et en général aucune boutique pour les choses qui se mangent, si on en excepte celle des boulangers. Il faut se procurer tout ce dont on a besoin au marché. La maîtresse de maison est obligée de se lever de fort bonne heure, au risque de voir ses espérances de déjeuner, dîner et souper détruites pour la journée, le marché étant presque entièrement dévasté à 8 heures du matin. Le bœuf est excellent, et son plus haut prix était alors d'environ 4 sous la livre. Le mouton et le veau lui sont inférieurs à l'œil, mais ils ont un fort bon goût, quoiqu'ils ne soient pas très gras. La volaille est délicieuse. Les poules grasses et les poulets fins coûtaient 12 sous, et beaucoup moins si on les achetait vivants avant d'être engraissés. Les dindons, environ 50 sous, et les oies de même. L'Ohio fournit différentes sortes de poissons. Quelques-uns sont fort bons, peu chers, et on les trouve toujours en abondance au marché. Les œufs, le beurre et presque tous les légumes sont au prix le plus modéré. Depuis juin jusqu'en décembre, les tomates, le plus grand luxe d'une table américaine, suivant l'opinion de la plupart des Européens, se payent, et je parle des plus belles, environ 12 sous le boisseau. Il y a une quantité de graines inconnues en Angleterre, particulièrement la graine de lima, qu'on apprête comme les haricots. C'est un légume délicieux et dont on fait d'abondantes récoltes. S'il pouvait être naturalisé en Europe, ce serait une précieuse acquisition. Le grand haricot de Windsor ne croît pas bien ici. M. Bullock en avait dans son jardin où il était cultivé avec grand soin. Il s'élevait à environ 1 pied, fleurissait, mais ne mûrissait pas. Tout le fruit qu'on vend au marché de Cincinnati ne vaut rien. J'ai passé 2 étés dans cette ville sans manger une pêche passable. Je n'y ai pas vu d'abricots ni de brugnons. Les fraises sont très petites, les framboises moins belles encore et les groseilles à peine mangeables. Les groseilles rouges sont de moitié moins grosses que les nôtres et coûtent 1 fois davantage. Le raisin est aigre. Les pommes sont abondantes mais elles ne sont pas bonnes et l'on oserait les servir sur une table anglaise. Les poires, les cerises et les prunes sont détestables. Les fleurs de cette partie de l'Amérique ressemblent aux fruits. Je ne sais pas si c'est la faute du sol ou le manque de culture, mais après avoir quitté Cincinnati, un monsieur qui paraissait s'entendre en jardinage nous assura que l'état de l'Ohio n'avait ni fleurs ni fruits indigènes. Les melons d'eau, ce qui dans un climat chaud est un rafraîchissement fort agréable, sont abondants et peu coûteux, mais les melons ordinaires sont bien inférieurs à ceux de France et même d'Angleterre lorsqu'ils sont mûris sur couche. Pour un étranger, il est difficile de deviner comment on approvisionne de lait Cincinnati, car les environs de cette ville manquent absolument de pâturage. Mais nous apprîmes bientôt qu'il y avait plus d'une manière de nourrir une vache. Une grande partie des familles de la ville en ont une, particulièrement les plus pauvres, sans avoir en apparence aucun moyen de la loger. Ces animaux prennent leur repas matin et soir à la porte de la maison. Ils consistent en une bonne quantité de maïs bouilli dans l'eau. On les trait pendant qu'ils mangent, et lorsque l'opération est faite, le lait rentre dans la maison et la vache républicaine est abandonnée à son libre arbitre. Elle se rend sur les montagnes ou dans les ravins suivant que son instinct la guide. En général, ces vaches reviennent très régulièrement prendre et donner leur pas du soir et du matin, quoique plus d'une fois il nous arriva, avant de nous fournir une laitière qui passait tous les jours avec une charrette, de voir arriver notre vase vide avec cette triste nouvelle. La vache n'est point revenue, et il est trop tard pour aller la chercher avant déjeuner. Je me souviens qu'une fois notre vieille fournisseuse nous dit qu'elle avait dormi plus tard qu'à l'ordinaire, que la vache était venue et qu'elle était repartie. La pauvre bête avait sans doute été chercher elle-même une nourriture qu'elle n'avait pu trouver à la porte de sa maîtresse. Cincinnati ne peut se vanter de posséder bien des merveilles, mais parmi les curiosités qu'elle renferme, on peut compter 2 muséums d'histoire naturelle. Celui de M. Dorfeuil possède des antiquités indiennes d'un grand intérêt. M. Dorfeuil est un homme savant rempli de goût, mais une collection qui serait formée d'après les principes du goût et de la science ne satisferait d'aucune manière une métropole de l'Ouest. Le peuple a la passion la plus extravagante pour les figures de cire, et les deux muséums rivalisent l'un et l'autre en offrant au public tous les échantillons possibles de cette branche barbare de l'art. Comme M. Dorfeuille n'a pas assez de sa science pour attirer les citoyens, il a mis son adresse à contribution, et elle a mieux réussi. Il a construit un pandémonium à un étage élevé de son muséum, où il a réuni toutes les images horribles que son imagination fertile a pu inventer. Des nains qui, à l'aide d'une machine, deviennent des géants aux yeux du spectateur, des démons d'ébène aux yeux de flamme, des reptiles monstrueux dévorant la jeunesse et la beauté, des lacs de feu, des montagnes de glace. Enfin, la cire, la peinture et les machines ont créé des merveilles. Afin qu'elles produisent plus d'effet encore, elles ne sont visibles qu'à travers une grille massive en fer. Parmi les barres de métal sont entrelacées des fils de fer qui se réunissent à une machine électrique placée dans une chambre voisine. Si quelques mains ou quelques pieds hardis s'engagent entre les barres, il reçoit aussitôt un choc qui se communique souvent à la moitié de la foule. La cause en étant inconnue, les effets en sont extrêmement comiques. La terreur, la surprise et la curiosité sont en action et contribuent à rendre l'enfer de Dorfeuille un des plus amusants spectacles. Il existe aussi une galerie de tableaux à Cincinnati, et elle nous intéressait d'autant plus que notre ami, M. H., qui avait accompagné Miss Wright en Amérique, dans l'espérance de pouvoir s'y livrer à la peinture historique, commença son expérience à Cincinnati. Il est inutile de décrire cette galerie de tableaux. Je ne doute pas que quelques années ne lui donnent un aspect bien différent. M. H. fut fort bien reçu par plusieurs messieurs de la ville, et bien que l'état des beaux-arts ne lui donna pas une grande espérance de pouvoir y réussir, il commença, aussitôt son arrivée à Cincinnati, un tableau historique du débarquement du général Lafayette dans cette ville. Peut-être on peut tirer de l'anecdote suivante la plus grande preuve du peu d'amour des Américains pour les arts. Un Allemand qui donnait des leçons de peinture avait conçu le projet de former une académie des beaux-arts. Il réussit dans le commencement, et même le succès surpassa ses espérances. On souscrivit pour 1 000 $, c'est-à-dire que différentes personnes inscrivirent leur nom pour une semblable somme. On choisit une maison, on fit une supplique au gouvernement, et la permission fut accordée, mentionnant formellement le nom des souscripteurs, des professeurs et des administrateurs. Mais le zèle n'alla pas plus loin, l'affaire en resta là, et je n'entendis plus parler dans la suite de l'Académie des Beaux-Arts. Le même Allemand, en voyant les esquisses de M. H., en fut si satisfait qu'il lui proposa d'élever avec lui une école de peinture. Je crois qu'il lui offrait de lui payer 500 $ par an. M. H. accepta cette proposition, mais cette société ne fut pas de longue durée, et la cause de la dissolution est trop américaine pour être omise. M. H. préparait ses modèles et surveillait la classe, qui était nombreuse, et composée de garçons et de filles. Il s'aperçut bientôt que le personnage appelé Discipline n'était pas au nombre de ses écoliers. Il défendait en vain à ses élèves de se livrer à un bavardage continuel et de courir sans cesse d'une place à une autre. Voyant qu'il ne pourrait réussir à rien avec un pareil ordre de choses, il écrivit un règlement dans l'intention de le placer à la porte de l'académie. Lorsqu'il montra son règlement à son collègue, ce dernier secoua la tête et lui dit « Ce serait bon en Europe, mais en Amérique, les jeunes garçons et les jeunes filles ne le souffriront pas. Il faut qu'ils fassent ce qui leur plaît. Vous pouvez être sûr que s'ils voient votre règlement, ils ne reviendront plus. » « Ainsi, monsieur, vous ne voulez pas protéger une résolution si nécessaire ?»« Pas le moins du monde. » »« Eh bien, je vous laisserai seul gouverner ces jeunes républicains. » J'ai entendu raconter une autre anecdote qui prouvera, comme celle-ci, l'état des arts à l'époque où nous étions dans l'Amérique de l'Ouest. M. Balloch montrait à quelques messieurs des plus distingués de Cincinnati sa belle collection de gravures, lorsqu'un d'entre eux s'écria « Avez-vous réellement fait tout cela depuis que vous êtes ici? Il faut que vous ayez terriblement travaillé. » On me disait aussi qu'un monsieur de Cincinnati qui donnait le ton et se mêlait de critiques examinait un jour une peinture qui représentait Hébé et l'oiseau sacré de Jupiter. Il demanda d'un ton satirique quel était ce sujet. « C'est Hébé, » répondit le propriétaire du tableau alarmé. « Hébé, » reprit l'homme de goût en souriant avec dédain, « que diable Hébé fait-elle de l'aigle américain ? » Nous n'étions pas depuis longtemps à Cincinnati lorsque le docteur Caldwell, le Spurzheim de l'Amérique, y arriva dans le dessein d'entreprendre un cours de phrénologie. Je suivis son cours, ou plutôt ses lectures, et je lui fus présenté. Il a étudié Spurzheim et Combe avec intelligence et paraît bien connaître la science à laquelle il s'est dévoué, mais ni son cours ni sa conversation n'avaient ce délicieux enthousiasme qui fait écouter le docteur Spurzheim avec tant d'intérêt. Son cours, ou plutôt ses lectures, produisirent néanmoins beaucoup d'effets. Environ 20 ou 30 des citoyens les plus instruits se décidèrent à former une société phrénologique. Une assemblée fut indiquée, on s'y rendit. Un nombre assez considérable de souscripteurs firent inscrire leur nom, car le paiement avait été remis à un jour plus éloigné. On choisit un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Et lorsque la première assemblée se termina, chacun des membres avait l'air possédé du démon de la science. La seconde assemblée ne réunit que la moitié de ce corps savant. Il mit au jour des règlements, des lois, etc., etc., assez nombreux, dit-on, pour pouvoir remplir 2 in-folio. Le jour indiqué pour la troisième assemblée arriva. Il était important, c'était celui qu'on avait choisi pour effectuer le paiement. Le trésorier fut ponctuel, mais il se trouva seul. Il attendit patiemment les savants de l'Ouest et il les attendit en vain. C'est ainsi que s'éteignit la société phrénologique de Cincinnati. J'ai souvent eu l'occasion de remarquer que l'esprit d'entreprise et d'amélioration brillait rarement d'une ardeur suffisante pour résister à l'effet atténuant d'une demande de dollars. Les Américains aiment à parler. Toutes les grandes entreprises, cependant, qui promettent un résultat profitable, sont sûres d'être soutenues par des hommes qui ont des capitaux suffisants pour attendre. Mais lorsqu'il n'y a rien à gagner que la gloire, je crois qu'il est bien rare qu'ils donnent autre chose que leur approbation. Peut-être ont-ils raison. En Europe, nous voyons des fortunes presque dévorées par une passion pour les tableaux, pour les statues, pour les livres, ou pour les pierres précieuses, enfin pour tous les besoins artificiels qui embellissent la vie et font oublier à l'homme qu'il était fait d'argile. On est plus sage de l'autre côté de l'Atlantique, et j'ai rarement vu quelque chose qui pût porter à un semblable oubli. Peu de temps après le départ du docteur Caldwell, une nouvelle lectrice parut sur la scène. Son dessein de s'adresser publiquement au peuple ne fut pas plus tôt connu qu'il excita la plus violente sensation. Une dame riche, d'une bonne famille, pleine d'instruction, ayant passé sa jeunesse dans les sociétés les plus distinguées, se présentant pour faire des lectures publiques, devait naturellement exciter par toute une grande surprise, et le Neil Admirari de l'ancien monde lui-même n'aurait pu se soutenir devant un pareil spectacle. Mais en Amérique, où les femmes sont gardées par le bouclier impénétrable de l'insignifiance habituelle, cette nouvelle produisit un effet qui pourrait difficilement être décrit. Miss Wright de Nashoba va faire des lectures à Courthouse. Voilà ce qu'on se répétait de rue en rue, de maison en maison. Je partageais la surprise, mais non l'étonnement général. Je connaissais son admirable éloquence, son empire presque surnaturel sur ses paroles, et la puissance de sa voix riche et pénétrante, et je ne doutais pas que, si telle était sa volonté, elle avait la faculté de commander l'attention de tous ceux devant lesquels elle voudrait bien se présenter. J'étais bien curieuse de l'entendre, mais j'en fus presque détournée par les rapports qui me furent faits sur la foule innombrable qui devait se rendre à ses lectures. Après plusieurs consultations, et sachant que des dames de ma connaissance avaient l'intention d'y aller, mon amie, Mrs. P. et moi, nous nous décidâmes à en faire la tentative, accompagnée par plusieurs protecteurs. Nous trouvâmes les difficultés moins grandes que nous ne l'avions supposées, quoique le bâtiment, qui était fort grand, fût rempli de toutes parts. Nous nous félicitâmes d'avoir eu le courage de ne point redouter la foule, car toutes mes espérances sur l'éloquence brillante et entraînante de cet extraordinaire orateur furent surpassées. Miss Wright avait pris pour sujet la nature du véritable savoir, et les différentes sectes et les différents partis auraient trouvé peu de choses à reprendre à son discours. C'était une espèce d'introduction aux étranges théories qui firent la base de ses lectures subséquentes, et elle ne pouvait alarmer que par la supposition qu'elle laissait deviner que toute sagesse humaine ne pouvait s'établir sur d'autres bases solides que sur la science humaine. Il y avait cependant un passage qui révoltait le sens commun, c'était celui dans lequel elle avait cité cette phrase, ou plutôt ce sophisme, que tous les hommes étaient nés libres et égaux. Cet axiome faux et insensé, qui a produit son fruit et qui fera tant de mal à ce beau pays, venait de Jefferson, et certainement sa vie en fut un brillant commentaire. Je ne prétends point critiquer ses écrits, mais il suffit d'avoir le sens commun pour décider que sa maxime favorite est fausse. Peu de noms en Amérique sont plus hautement estimés que celui de Jefferson. C'est l'aimant du Parti démocratique, et tous semblent convenir que c'était un des plus grands hommes. Cependant, j'ai vu ce nom accouplé à des hauts faits qui feraient frémir les habitants de l'Europe. Chacun parle ouvertement des actions auxquelles je fais allusion, et dans un pays où la religion est une conversation de table, et sa stricte observance une manière à la mode de se distinguer, ces faits sont racontés et écoutés sans horreur et même sans émotion. Monsieur Jefferson, dit-on, avait rendu mère presque toutes ses nombreuses esclaves. Les malheureux enfants qui résultaient de ce libertinage étaient aussi légalement les esclaves de leur père, et travaillaient comme tels dans sa maison et dans ses plantations. On dit qu'un de ses plaisirs favoris était de se faire servir par eux à table, et les orgies qui avaient rendu son Monticello si célèbre étaient incomplètes lorsque son verre ne lui était pas présenté par la main tremblante d'un de ses enfants. J'ai une fois entendu dire par un admirateur démocratique de ce grand homme que, quelquefois, lorsque ses enfants et ceux de ses esclaves carteronnent, étant assez blancs pour cacher leur origine, s'échappaient de la maison paternelle, il ne les faisait point poursuivre, disant en riant « Que les coquins se tirent d'affaire comme ils pourront, je ne les inquiéterai pas ». Cette anecdote fut racontée dans une nombreuse société comme une preuve de la noblesse et de la bonté de son naturel, et chacun la reçut avec un sourire approbateur. Si je comprends quelque chose à ce qui est bien ou mal, si la vertu et le vice sont autre chose que des mots, alors ce grand Américain était un tyran sans principe et le plus insensible des libertins. Mais, pour revenir à Miss Wright, il est impossible de s'imaginer quelque chose de plus frappant que sa personne. Sa taille haute, majestueuse, l'expression profonde et presque solennelle de ses yeux, les purs contours de sa belle tête qui n'avait d'autre ornement que les boucles de ses cheveux, sa robe, d'une simple mousseline blanche qui formait autour d'elle des plis rappelant les draperies d'une statue grecque, tout concourait à produire un effet que je ne pourrais comparer à rien de ce que j'avais vu jusqu'alors ou que je pourrais voir dans la suite.